Le 3, le 3. Le bleu. T'as moi tout de suite ? C'est à toi. Bon, alors, Marie-Jeanne a dit qu'elle ne voulait pas. Marie-Jeanne a dit qu'elle ne voulait pas me présenter. Bon, alors je vais le faire. Et je vais le faire en m'indignant d'une erreur. Il y a, sur ce livre, c'était vrai, j'étais maître de conférence, mais maintenant je suis professeur des universités. Alors j'y tiens beaucoup parce que... Je vais vous dire pourquoi j'y tiens. Parce que c'est un métier, c'est une fonction, pour laquelle le décret doit être obligatoirement signé par le président de la République. Et avoir cassé les pieds à Chirac, ne serait-ce que le temps qui signe mon décret, ça me met en joie. Voilà. Donc je suis bien professeur de l'université. Alors. Grâce à Chirac. Grâce à... Non, pas grâce à Chirac. Non, pas du tout. Grâce à mes mérites et à mon dur labeur. Tu le sais, je me dis. Non, pourquoi tu fais la mauvaise langue, ça ? Bon, alors. Je ne sais pas si le sujet de cette conférence est très précis dans votre esprit. Bon, ça part et ça tourne. Ça part d'Henri Poulaille et ça tourne autour de lui largement. Hein. Et donc je crois que le plus simple est de commencer par parler de Poulaille, hein, par le présenter peut-être pour ceux qui en auraient gardé un souvenir un peu flou. Après tout, c'est quelqu'un qui est mort en 1980 et qui n'écrivait pratiquement plus depuis 1960. Donc il faut peut-être rafraîchir les mémoires. Et puis, après avoir donc présenté Poulaille, la question que je me poserai, c'est de savoir si cette idée qu'il avait eue, qu'il a exprimée dans le livre manifeste « Nouvel âge littéraire », cette idée d'une littérature prolétarienne, est encore intéressante aujourd'hui, enfin, peut encore fonctionner aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous dit, ah ça c'est très commode, moi j'ai remarqué, les gens ont une espèce de hantise de démolisseur. Ils ont deux dates qui les obsèdent, la chute du mur de Berlin et la chute des Twin Towers. Ça, dès qu'il y a un mur qui se fout par terre, on vous décrète que l'histoire s'arrête ou qu'elle va recommencer. Bon, moi je coupe pas dans ce genre de choses. Et quand je parle de littérature prolétarienne et qu'on me regarde en tordant le nez en me disant « Mais enfin, tu sais très bien qu'il n'y a plus de prolétariat », je demande à voir et je demande surtout à savoir comment cette littérature-là, ce type de littérature-là peut exister. Ça sera la partie centrale, si vous voulez, de ce que je vais faire aujourd'hui. Et puis si vous voulez, parce que j'aime bien lire à haute voix, comme je terminerai par la question de savoir si cette littérature peut transmettre une voix, peut transmettre l'oralité de la parole populaire, je vous propose de terminer par trois lectures. Hein. Trois lectures, vous verrez, bon, qui ne sont pas toutes dans le droit fil des préoccupations prolétariennes. Alors, je commence par Poulaille, si vous voulez. Il est né en 1896. Et c'est le fils d'un charpentier militant syndicaliste, anarcho-syndicaliste, et d'une canneuse de chaise. Canneuse de chaise qui travaillait à la maison, ce qui n'était pas d'ailleurs très très commode, parce que les appartements étaient petits, et quand vous commenciez à entasser les chaises qu'il fallait canner, et que vous fournissez celui, le prestataire de travail, c'était pas très commode. Donc il est né à Belleville, il a vécu son enfance là, et il s'est retrouvé orphelin à 14 ans parce que son père est mort des suites d'un accident du travail et sa mère est morte quelques mois plus tard d'une tuberculose. Donc il s'est retrouvé seul dans la vie à 14 ans, c'est le titre d'un de ses premiers textes. Et là, il a fallu qu'il se débrouille, il a logé seul hein, à 14 ans et il est devenu d'abord garçon de course dans une pharmacie. Et quand cette pharmacie a été affectée par la guerre de 14, hein, il est rentré en 1910, je crois que quand cette pharmacie a été affectée par la guerre de 14 parce que le pharmacien a été mobilisé, puis le préparateur a été mobilisé, il a fallu lui-même qu'il se mette à faire des choses difficiles pour lui et qu'il a apprises. Et donc il a permis à cette pharmacie de rester ouverte en somme. Et en même temps, il poursuivait un autodidacte, son éducation, largement inspiré d'ailleurs par des lectures libertaires. La première guerre va faire de lui, mais il n'est pas le seul, un antimilitariste vraiment convaincu. Alors si l'enfance dont je viens rapidement de parler, et en particulier l'accident du père, il l'évoque dans Le Pain quotidien, les années de guerre, notamment à partir de sa mobilisation en 17, il l'évoque dans Peine de soldat. Et Peine de soldat est un livre de guerre, il y en a des livres sur la guerre de 14, des romans sur la guerre de 14, il y en a énormément, Mais c'est un livre de guerre qu'on sent en même temps que la guerre se déroule et qu'il y participe. On le sent plein d'espoir parce qu'en même temps, on sent que le héros, Louis Magneux, qui n'est autre qu'un double d'Henri Poulaille lui-même, est en train d'accéder à un esprit critique, est en train d'accéder à une espèce de liberté de lui-même qu'on découvre à travers ses expériences de tous les jours. À son retour de guerre, le pharmacien, parfaitement ingrat, ne le réembauchera pas, ce qui le mettra en demeure de trouver un autre emploi. Alors successivement, il va faire un tas de choses, il va accumuler les emplois non qualifiés, d'emplois de manœuvre, d'hommes de corvée, comme on disait à l'époque. Et c'est dans la série de ces petits boulots, de ces petits emplois, qu'il va entrer chez Grasset, chez l'éditeur Bernard Grasset, Grasset-Fasquelle, et il va y entrer au départ comme secrétaire, petit rédacteur, disons. Il rentre par la petite porte chez Grasset. Et en même temps qu'il a trouvé cet emploi chez Grasset, il entame une collaboration à un journal qui s'appelle La Vache Enragée, et qui est un journal anarchiste montmartrois, mais anarchiste et satirique. Et là, il va être remarqué par Marcel Martinet, et il va pouvoir donner plusieurs comptes à l'Humanité, et il va publier le recueil de ses comptes dans un premier volume qui s'appelle Âme Neuve, son premier livre qui sera publié en 25. Mais bon, il est encore très très très lancé. Et il va être en même temps responsable de la page littéraire du Peuple, qui est l'organe de la CGT, et on lui donnera même des chroniques à faire pour Paris Soir. Donc si vous voulez, il a un petit peu une activité de pigiste et d'écrivain débutant en même temps. Et c'est en 1930 qu'il va publier ce livre manifeste qui s'intitule « Nouvel âge littéraire », dans lequel il définit l'écrivain prolétarien comme celui qui est issu du peuple, qui, en écrivant, exerce un don, bien sûr, il faut être doué, et une mission en même temps, mais il ne faut pas que la littérature devienne pour lui un métier. Et là, il y a cette exigence sur laquelle il ne transigera jamais, qu'il appelle le refus de parvenir. Il ne faut pas devenir un écrivain de métier. Et en même temps, il construit cette idée d'écriture prolétarienne à partir de son refus de ce qu'on pourrait appeler la littérature bourgeoise. Bon, il faut bien se replacer dans le contexte. En 1930, il y a des écrivains qui commencent à émerger du monde du travail au sens large. Je veux dire, Giono, par exemple, était sous-directeur de banque quand il a lâché son emploi pour devenir écrivain. Bernanos était inspecteur d'assurance. C'est des gens qui travaillaient, qui gagnaient leur vie. Mais si vous remontez un petit peu avant, Proust n'a jamais rien fait de sa vie. Il n'avait pas besoin de travailler, il était rentier. Gide n'a jamais rien fait de sa vie. Gide en a eu le culot d'écrire un jour dans son journal qu'au fond, l'expérience de la pauvreté lui a manqué, parce que ça aurait peut-être... Alors, Jean Malaquais, qui arrivait de sa Pologne natale, qui se chauffait dans les bibliothèques publiques parce qu'il crevait le froid dans sa chambre, tombe sur ça un jour, et il écrit à Gide, en disant « Vous n'avez pas honte ?» Et Gide, impérial, lui envoie un mandat de 200 francs. Malaquais lui renvoie les deux morceaux du mandat déchirés. Et Gide, là, lui dit « Venez me voir, il faut qu'on parle. » Bon, je referme la parenthèse, mais c'est pour situer quand même ce moment, ce début des années 30, surtout début des années 30, où vous avez énormément d'écrivains nantis, d'écrivains qui n'ont pas besoin de travailler. Et du coup, on a ce coup de gueule de Poulaille dans « Nouvel âge littéraire ». « Nous avions trop de ces hommes de plume trop bien assis. Ils sont venus au monde, les mains dans les poches. Ils ont eu des culottes de bonne coupe tout de suite. » Ce fut le lycée, central ou normal, etc., ne connaissant rien de la vie à laquelle ils étaient venus par les livres, ils continuent à suivre la vie dans les livres, ils n'ont rien à dire à personne. Ça, au moins, c'est sans appel. Et alors, dans le Nouvel Âge littéraire, il y a en même temps une espèce de réaction contre un projet qui est vieux d'un an à peine, puisqu'il date de 1929. André Thérive et Léon Lemonnier se sont fait un an plus tôt les théoriciens de ce qu'ils ont appelé la littérature populiste. Alors littérature populiste, l'idée existe encore, puisqu'il y a toujours un prix du roman populiste. Et Gilles Ascari, dont on parlait tout à l'heure avant de commencer, il m'a dit, je suis passé à une voix près, il a failli avoir le prix du roman populiste. Mais le roman populiste, tel que le définissent Thérive et Léon Lemonnier, c'est un roman qui parle du peuple, mais qui est le fruit, qui est le produit d'écrivains de métier, d'écrivains qui, s'ils sont issus du peuple, en sont de toute façon sortis. Donc, vous savez, il y a là le risque d'arriver à cette espèce de pittoresque un peu douteux qu'on peut trouver, par exemple, dans certains romans de Macorlan, quelquefois, mais surtout de Carco. Donc, ça ne plaît pas à Poulaille. Hein, pour parler du peuple, il faut en être. Il faut en être et il faut y rester, parce que sinon, on trahit. Alors, il s'agit donc contre la littérature populiste qui pense qu'il faut faire un art social, il s'agit pour Poulaille de faire une littérature de classe. Alors, j'ai parlé de sa proximité par rapport à l'humanité, etc., du fait que c'était Martinet qui l'avait lancé. Il est très proche du Parti communiste, le Parti communiste tout neuf, puisqu'il est né en 1920, hein, mais il va s'en séparer au congrès des écrivains prolétariens de Kharkov, cette même année 1930, parce qu'à Kharkov est défini un art de parti. En gros, c'est le réalisme socialiste, c'est-à-dire c'est le parti qui définit la ligne et les urgences et les priorités des écrivains. Et Poulaille, ça ne rentre pas du tout dans ses perceptions. Et d'ailleurs, il se fera virer de tout ce qui est de loin ou de près communiste pour avoir pris la défense de Victor Serge. Donc là, c'est l'exclusion totale. Et alors, il dit, son principe, c'est la vie du prolétariat racontée par des auteurs qui sortent de ses rangs. C'est tout. Alors, jusqu'à la Deuxième Guerre, il aura une activité très très importante. Hein. Il crée par exemple ce qu'il appelle le musée du soir. Le musée du soir, c'est une sorte d'université populaire. Bon, l'idée de l'université populaire, je crois qu'elle remonte, enfin si mes souvenirs sont exacts, à l'affaire Dreyfus. Les premières universités populaires ont été créées à ce moment-là. Et lui, il reprend cette idée. Je signale d'ailleurs que c'est une idée qui revient actuellement, puisque Michel Onfray, qui était prof de philo à Caen, a quitté l'éducation nationale, en sortant un texte fracassant d'ailleurs, en disant qu'il en avait assez de travailler pour des élèves idéaux qui n'existaient pas, dans une structure idéale, avec des qui n'existaient pas non plus, et que tout était idéal, mais que lui, de temps en temps, il avait besoin de revenir au concret, donc il avait les moyens de quitter l'éducation nationale, et il a créé quand une université populaire qui fonctionne, hein, c'était pas une foucade d'intellectuels, ça marche. Et donc le musée du soir, c'est son invention, et il va en même temps servir un peu de cheval de Troie ou d'intermédiaire aux éditions Grasset pour les écrivains qu'il considère comme des vrais prolétariens. Il y en a un qu'il aime beaucoup, c'est Ramu, le Suisse, et tout simplement parce que Ramu, justement, est le premier à avoir essayé de trouver une écriture, un style qui évoque la façon de parler des gens de Suisse romande. Hein. Et donc, il va aider beaucoup Ramu. Il va aider Giono, alors on verra, et Denise Rère a montré comment l'idylle avait été de courte durée. Avec Giono, ça ne se passera pas toujours très bien, mais il aide tous ces écrivains. Je veux dire, quand Giono débarque à Paris, alors qu'il vient de Manosque et qu'il n'a pas l'habitude de Paris et qu'il en a peur en plus, quand il débarque à Paris pour les services de presse de Colline, enfin, c'est Poulaille qui l'accueille, qui s'occupe de lui. Et Michel Ragon témoigne que Poulaille a été vraiment quelqu'un qui a soutenu les écrivains qu'il considérait comme prolétariens, n'ayant pas trahi. Alors, dans ces années d'entre-deux-guerres, plus exactement, quatre romans, Le Pain quotidien, qui est une collection Cahier Rouge chez Grasset, Les damnés de la terre, qui est malheureusement indisponible pour le moment, enfin, aucun éditeur ne l'a repris. Peine de soldats, qui est dans la même collection, je ne l'ai pas apporté parce que je n'en avais pas besoin. Et Les rescapés, actuellement indisponible aussi. Ça fait quand même que deux livres sur quatre, hein, deux grands romans sur quatre. Alors, au moment de la guerre, au moment de l'occupation, Poulaille va être inquiété et il sera même incarcéré comme communiste, ce qui est quand même un comble. Par les Allemands au début de l'occupation. Et puis, il va être libéré, et là il va se faire un peu, il va se mettre en demi-teinte. Moi je crois que là il a profité d'une espèce d'ambiguïté qui a fonctionné un peu comme Giono à qui il en veut tant. Hein. Giono, on a dit après la guerre, oh oui, mais il a fait du retour à la terre, hein. il était dans l'idéologie de Pétain. Il n'était pas du tout dans l'idéologie de Pétain, Giono. Il avait écrit de toute façon les romans de la trilogie de Pan, il les avait écrits avant, bien avant. Et de toute façon, pendant la guerre, il n'a pas écrit grand-chose, il ne sait pas. Et Poulaille, lui, au fond, ça passe parce que il va rassembler et publier des textes de culture populaire d'ancien régime, si vous voulez. Et du coup, comment dire, les ministres de Pétain et les services de propagande vichiste vont considérer que ben, il est bien dans ce retour à la tradition. Ça. Alors il va publier des recueils de Noël anciens du 12e au 16e siècle. Il va publier des chansons de toile du 12e siècle, des chansons de travail aussi. Et donc il va faire ce travail-là. Et c'est un travail intéressant qui est repris en ce moment. J'ai acheté là, il n'y a pas longtemps, bouquin que j'ai pas eu le temps de lire. C'est chez Lafont, la collection bouquins, ce qu'on appelle la bibliothèque de Troyes, c'est-à-dire les livres qui étaient publiés à Troyes et destinés au colportage, qui étaient vendus comme ça par les colporteurs de village en village, alors les almanachs, les romans populaires, les choses comme ça. Donc il essaie de retrouver en même temps une tradition populaire à travers cette exhumation de textes. Alors à partir de 1951, son anticonformisme et puis son entêtement, il faut bien le dire, c'est une bourrique, hein, Poulaille. Regardez la tête qu'il a, ça se voit, hein, il est têtu. Bon. Il se met dans la tête une idée complètement farfelue, et qui a d'ailleurs été émergée avant lui, et puis c'est un peu un serpent de mer cette idée-là, que Molière n'a rien écrit. C'est déjà une idée, moi je trouve, idéologiquement nauséabonde. Je reviens à dire, du moment qu'il est comédien, il est bête, il ne peut rien écrire, c'est à peu près ça. Hein. Et donc, Molière n'aurait rien écrit, celui qui a écrit les pièces de Molière, c'est Corneille. Mais Molière les lui a rachetées, les a publiées sous son nom. Ça ne tient pas debout, il n'y a pas le début du commencement d'une preuve, mais il s'est lancé là-dedans, et il a écrit un livre piteux, il s'appelle, sous les gens les plus sympathiques, peuvent faire des bêtises, il a écrit donc Corneille sous le masque de Molière, c'est en 1957, et ça sera finalement le dernier livre publié de lui et de son vivant. Alors, donc, vous voyez, c'est quelqu'un de très paradoxal, et je finirai cette présentation de Poulaille par la lecture d'un fragment d'interview de quelqu'un qu'il a beaucoup connu, qu'il a beaucoup pratiqué, beaucoup aimé, qui est Michel Ragon, l'auteur de Mouchoir de Tollé. Et Michel Ragon dit ceci, « Qu'il soit d'origine populaire, Poulaille, nul doute. » Fils d'un charpentier anarcho-syndicaliste et d'une canneuse de chaise, orphelin à 14 ans, pratiquant des petits boulots, autodidacte complet, Poulaille n'affabulait pas. Mais il avait su néanmoins pousser sa singularité au mythe. Car enfin, ce doctrinaire qui professait comme une condition même du label d'écrivain prolétarien le refus de parvenir, c'est-à-dire la volonté de demeurer dans sa classe d'origine et même dans son métier, un écrivain paysan devait demeurer toute sa vie paysan, un écrivain ouvrier devrait demeurer toute sa vie ouvrier. Lui, il abandonne dès ses 27 ans la précarité des métiers manuels sans qualification pour une confortable carrière dans l'édition. Et il dit un peu plus loin, Ragon, le plus étrange, c'est que personne ne lui reproche de ne pas pratiquer pour lui-même ce refus de parvenir qu'il imposait à tous ses disciples au risque d'exclusion. Voilà, c'est ça un peu le paradoxe. Et alors, j'en viens maintenant un peu à la raison qui fait finalement à terme que je suis ici aujourd'hui. On pourrait considérer que la littérature prolétarienne, c'est un moment de l'histoire des littératures. Alors ça ferait un article de dictionnaire à la lettre L ou à la lettre P, hein. Et ça serait étudié universitairement, un petit peu comme on étudie, je ne sais pas moi, les poètes néo-platoniciens de la Renaissance ou le roman précieux du début du XVIIe siècle. Ça pourrait n'être que ça. Or, ça n'est pas du tout la position que nous avons choisie, je dis nous parce qu'on a été quelques-uns, la position que nous avons choisie dans ce livre. Alors, je reviens un peu aux origines. Aux origines, il y a Denis Erer qui est ici, et qui a entrepris, il y a quelques années, une thèse sur Giono anarchiste. Anarchisme, anarchie dans l'œuvre de Jean Giono, excusez du peu, il y a du travail. Et alors moi j'étais le directeur de la recherche, j'étais le patron de thèse, comme on dit, et un jour je lui dis, vous savez, à l'époque on se voyait, je me souviens, j'ai lu quelque part qu'il y avait eu une correspondance très suivie entre Henri Poulaille et Giono, et je crois qu'ils n'ont pas toujours été d'accord, ils ont été très proches, mais pas toujours d'accord, et bon, peut-être vous devriez essayer de retrouver ça. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une association, des amis de Poulaille ou quelque chose comme ça. Et au bout de quelques temps, je vois revenir Denis Zerer qui me dit, mais oui, je suis allé à Cachan et j'ai trouvé l'association des amis d'Henri Poulaille. Et là, je suis tombé sur un archiviste, enfin, un archiviste bénévole, le type est prof d'allemand dans le secondaire, et il s'appelle Jérôme Radvan, et qui classe, conserve avec une énergie jamais en défaut, tout ce qui concerne Poulaille. Et Jérôme Radvan exhibe pour Denis Zerer un texte qui était l'Arlésienne, tout le monde en parlait, personne n'avait jamais vu, un texte qui s'appelle « Pend la panique ». Pendant la panique, ça évoque le fait que Giono, entre les deux guerres, a dit en substance « Moi on m'a eu une fois, on m'aura pas deux. J'ai fait la guerre de 14, je ne ferai pas la suivante. Si on m'appelle, j'y vais pas. » Et pour que ça soit bien clair, il a publié un texte qui s'appelle « Refus d'obéissance » et est revenu à la charge à travers des manifestes, des pétitions, enfin, dans les années 35, 36, 37, il n'arrête pas. Et ce que dit, ce qu'ignore pas mal de Gioniens, ce que dit Poulaille, c'est que... En 1939, Giono, tout bien pesé, s'est dit, oula, j'ai une femme, j'ai deux filles, ça va me faire des tas d'ennuis, je vais y aller. Et il s'est pointé au centre de recrutement, de, je ne sais pas comment ça s'appelait, enfin au centre de militaire, de Digne, dont il dépendait. Alors là, bon, ils ne l'ont pas loupé quand même, à cause de refus d'obéissance, du fait qu'il avait fait arracher des affiches de mobilisation générale, on l'a mis au trou. Il s'est retrouvé aux forces Saint-Nicolas, ici, pendant quelques semaines, il était pas, il faisait pas fier. Ensuite, bon, il a été libéré. Mais Poulaille dit, à cause de lui, qui a fait le fanfaron, et qui au dernier moment a été le péteux Giono, je cite Poulaille là, à cause de lui, il y a un tas de jeunes gens. Et bon, Le Coin, par exemple, a été beaucoup plus conséquent. Le Coin, lui, là, il est allé jusqu'au bout. Et puis de jeunes gens qui l'ont cru, et qui le croyaient depuis que Ma joie demeure, hein, depuis ce grand roman panthéiste et naturiste, et bien ils ont fait ce qu'ils disaient, ils se sont retrouvés au trou. Et donc, alors, il y a un texte d'une extrême violence. Et ce texte, Denis Zerer a d'abord eu l'immense mérite de le lire, de le déchiffrer, parce que Poulaille était myope comme une taupe, il écrivait avec une loupe, et quand les lettres se chevauchaient, ça ne le tracassait pas plus que ça. Alors, les lignes se chevauchaient. Donc elle a déchiffré tout ce manuscrit, et elle a établi ce texte qui est publié à la fin de sa thèse. Et là, donc, on a... amené à m'intéresser à Poulaille, je l'avoue, hein, je ne connaissais pas du tout. Je savais qu'il existait, je savais qu'on ne peut pas avoir tout lu. Et donc je me suis mis à lire Pain quotidien, Pain de soldat, et puis je me suis mis dans cette idée-là, enfin dans cette logique-là, à lire d'autres écrivains qui étaient proches de lui, en particulier Louis Guillou. Et puis on a eu une correspondance avec Jérôme Radvan. Et un jour Jérôme Radvan me dit, vous savez, j'ai réussi à rassembler un tas de textes intéressants, de critiques, et certains de très bons critiques. Et il y a Jérôme Maison, il y a Paul Aron, l'un est en Suisse, l'autre en Belgique, qui sont des gens qui travaillent bien. Mais il me dit, moi je ne peux pas les publier. Je ne peux pas les publier parce que personne ne me donne de sous pour ça. Et il a même pensé à un moment prendre faire un emprunt à la banque pour publier son... Et c'est moi qui lui ai dit là, je lui ai dit, attendez, nous, on peut, à Aix, faire quelque chose, on peut monter une journée d'études ou un colloque, et donc les gens qui ont publié ces textes, qui ont écrit ces textes, viendront à Aix, et du coup, on pourra publier le résultat de ces travaux dans un volume. Et c'est en gros ce qu'on a fait, hein. Et ça a été une entreprise... Bon, alors, je vais rentrer dans les chiffres, c'est des sommes astronomiques, quand même. L'université généreuse m'a octroyé, combien c'était, 3700 francs, je crois, pour mettre les gens à l'hôtel, les déplacements, 3700 francs, tout. Bon, on est passé, quand même, on s'est débrouillé. Jérôme Radvan est allé squatter la chambre d'amis des rêves. Enfin, on s'est débrouillé, on est passé. Et du coup, alors là, on s'aperçoit, quand on rentre dans cette logique-là, qu'on touche à énormément de choses, et puis alors surtout que ça n'est pas un petit, comme ça, un petit canton de la littérature contemporaine, c'est quelque chose, c'est une question qui est extrêmement importante et qui continue à se poser maintenant. Par exemple, la permanence du phénomène, Céline Paubel l'a fait apparaître dans son article, qui dans ce livre qui s'appelle « Quand le peuple persiste et signe beurre », où elle analyse, elle évoque et elle analyse un certain nombre de romans écrits en banlieue par des jeunes issus de l'immigration qui sont en banlieue. Et par exemple, Azouz Begag, il vient de ça, il vient de cette expérience-là. Et cette écriture-là, c'est une écriture prolétarienne contemporaine. Elle en a les caractéristiques. D'autre part, Jean Sevry, je ne sais pas si vous vous souvenez de la prestation de Jean Sevry, qui était impressionnant, hein, qui est le fils en plus d'un copain de Poulaille. Jean Sevry, qui est un anglicisme, raconte comment il a pu travailler sur la littérature prolétarienne décolonisée en Afrique, enfin des peuples colonisés en Afrique anglophone. Et comment il y a actuellement une littérature qui est en train de se mettre en place en Afrique du Sud, c'est-à-dire plus anglophone tout à fait, une littérature des gens qui sortent de l'apartheid. Donc tout ça, ça compte encore, c'est encore important. Et alors en plus, on peut se dire aussi qu'il y a quand même eu un phénomène qui est passé peut-être un peu inaperçu il y a quelques années, peu de temps avant sa mort, Bourdieu, on ne sait pas lui faire injure que de dire qu'il est illisible pour les non-spécialistes, hein, quand on n'est pas sociologue, de lire Bourdieu, c'est... Bon, et bien Bourdieu a produit un gros bouquin d'entretien matériaux sociologiques, hein, d'interviews de gens comme ça, pour un travail sociologique, il a publié sous le titre La misère du monde, et c'est devenu un livre que les gens lisent, qui est parfaitement accessible, et en même temps, ça a eu une destinée, je dirais, artistique, puisque Didier Besas en a fait une adaptation théâtrale qui a été jouée, je crois, il y a 3 ou 4 ans, ici, dans la petite salle de la Criée. C'est tourné en plus. Hein. Donc, ça prouve ça, qu'une chose, c'est que les gens qui, on va dire, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas eu l'instruction, qui sont dans des conditions économiques très défavorables, c'est pas parce qu'ils sont dans ces conditions-là qu'ils n'ont rien à dire. Et ils disent, ils écrivent, et il faut que ça se sache. Et donc le moment de Poulaille, c'est pas comme ça un moment historiquement fini, c'est l'amorce d'un questionnement. Alors, j'en viens maintenant à ma deuxième grande partie, si vous voulez. Je suis pas trop long. Quand je vous en mets, vous me faites taire. J'en viens à la deuxième partie, qui va être un peu plus théorique, et ça, je m'en excuse, mais je suis un peu obligé. Je crois qu'il faut théoriser pour ne pas dire de bêtises, finalement. Et qu'au fond, souvent, travailler sur l'objet littéraire, ça consiste à construire des modèles dont on voit s'ils fonctionnent ou s'ils ne fonctionnent pas. S'ils fonctionnent, ce n'est pas très excitant. C'est quand ils ne fonctionnent pas que c'est intéressant parce qu'ils font construire d'autres. C'est un peu comme en maths, hein, finalement. Alors, je vais partir, je vais me mettre au tableau, je vais me retrouver prof, ça va me faire un plaisir fou, c'est samedi, vous m'obligez vraiment. Je vais partir d'un schéma qui a l'air très très ambitieux, comme ça, si on dit que c'est le schéma des fonctions du langage dû à Roman Jakobson. Mais en fait, c'est quand même quelque chose de relativement simple. Jakobson pose la communication, tout le monde vous dira que même l'élève le plus borné des écoles de publicité, et Dieu sait qu'ils sont bornés, vous dira que pour qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait un émetteur qui adresse un message à un récepteur. Ça, jusque-là, c'est pas compliqué. Bon, d'autre part, c'est... Alors, bon... Sur ces pôles, Jakobson donne des noms de fonctions, fonctions émotives, fonctions conatives, fonctions poétiques, ça bon, on n'a pas besoin pour le moment. Mais ce fonctionnement-là, cette transmission du message de l'émetteur au récepteur, je dirais, l'émetteur et le récepteur, à chaque moment du message, ont besoin d'être raccordés au même contexte. Le contexte doit être le même. D'autre part, je vais vite, hein, parce que ce n'est pas ce schéma qui m'intéresse, c'est celui que je vais lui substituer. D'autre part, émetteur et récepteur ont besoin d'être en contact. Je peux crier autant que je veux, ce que je suis en train de dire ne s'entendra pas au-delà du quartier. Avec le téléphone, oui. Donc il faut qu'il y ait un contact, quel qu'il soit. Et il y a une fonction qui est liée au contact. On peut vérifier, par exemple, quand vous téléphonez et que vous dites allô, allô, vous vérifiez que le contact, que ça marche, que ça passe. Allô, allô, ça ne donne aucune information, c'est une vérification du fonctionnement de la communication. Et enfin, dernier pôle, si vous voulez, dernier pôle, c'est le code. C'est le code. Si je mais face à face un Chinois et un Guatémaltèque, même s'ils ont beaucoup de choses à se dire, ils n'y arriveront pas si le Chinois ne parle pas espagnol, si le Guatémaltèque ne parle pas chinois, ou si tous les deux ne parlent pas, par exemple, lituanien. Voilà, c'est bon. ou espéranto. Voilà. Bon. Donc voilà, ça c'est le code de Jacobson. Alors les noms, bon, ça c'est le fonction référentielle, émotive, poétique, conative, métalinguistique et fatigue. Alors, on s'en fout. On va les remplacer par mes fonctions à moi que j'ai trouvées. Alors, l'émetteur en matière de littérature, ben, c'est l'auteur. Parce que là, ça va. Le récepteur, bon, le récepteur, il va être pluriel, il va être collectif, ça va être le public. Le message, je ne vais pas dire que c'est le livre, hein, parce que ça manquera de précision. Je vais dire que le message, il est constitué par le style du livre, par son écriture, on va dire. Hein, on va mettre les deux mots et on va les employer l'un pour l'autre, ça ne gêne pas. Le contexte, ben, ça sera au fond ce dont le livre parle, c'est-à-dire le monde fictif qu'il crée. Monde imaginaire qu'il construit. Le contact, ça sera pour cet ensemble, ça sera les modes d'édition, ça sera l'édition. J'ai dit tout à l'heure, je peux crier aussi fort que je voudrais, on ne m'entendra pas au-delà des limites de cette salle. Un auteur peut écrire des choses aussi géniales qu'il veut, tant qu'il n'aura pas un éditeur pour faire de sa prose un livre, ben, ça ne marchera pas. Et puis enfin, le code, ça sera ce moment, au fond, où un roman, vous avez remarqué que je m'en tiens au roman, hein, je m'en tiendrai au roman parce que je parle surtout de ce que je connais un peu, pas de ce que je connais mal. S'agissant du roman, le code, ce sont ces moments où le romancier, au fond, s'arrête de raconter, si vous voulez, et se pose la question de ce qu'il est en train de faire, de savoir si on le comprend, c'est-à-dire le moment où il théorise lui-même son propre texte, la théorisation. Voilà. Bon, je suis content. J'ai cassé les pieds à Maricone, parce qu'elle est obligée d'aller au tableau et chercher les feutres et tout. Et puis voilà, c'est bien. Ça. Alors, on va les prendre point par point, si vous voulez. L'auteur. Bon, alors l'auteur, pour la littérature prolétarienne, là, on a là la question de son origine sociale. Même posé qu'il soit issu du peuple, hein, est-ce qu'il faut qu'il y reste, justement? Et notamment, est-ce qu'il faut qu'il garde son métier et qu'il refuse de faire carrière? Je rappelle la formule de Poulaille, le difficile n'est pas de monter, mais en montant de rester soi. Alors évidemment, on peut être tenté par ça, et surtout en ce moment, quand on voit que la littérature en France, la France littéraire, s'enferme dans les limites des 5e et des 6e arrondissements. Si vous n'êtes pas dans ces deux arrondissements, vous n'êtes rien. Je vais vous donner un exemple. Il y a 3 ans, on a vu arriver à Aix, il y avait un colloque de littérature comparée, on a vu arriver, bah, tant pis, je dis son nom, je balance, Antoine Compagnon. Monsieur Antoine Compagnon, professeur à la Sorbonne et à, je ne sais plus si c'est Yale ou Columbia, enfin une université américaine. C'est-à-dire, il est perpétuellement en jet lag, il est tout le temps en train de descendre dans un avion. Alors c'est le compagnon, Antoine. Bon. Le colloque ronronné. Tout d'un coup, compagnon arrive, foule considérable, il y a des étudiants cramponnés aux fenêtres, il y en a partout. Et il arrive, souffre, il avait la grippe, il nous explique un truc sur Proust, pas bon, vous voyez qu'il avait travaillé dans l'avion. Et puis il finit en nous disant qu'au fond, il était persuadé que oui, ce qu'il venait de dire avait quand même du sens, parce qu'il avait eu l'occasion d'en discuter avec JMG Le Clésio sur le boulevard Saint-Michel. Mais on s'en fout! Enfin, nous, on s'en fout. Moi, je m'en foutais, en tout cas. Et cette espèce de parisianisme insupportable, cette espèce d'enfermement de la production d'imaginaire romanesque entre des spécialistes comme ça autoproclamés, il était déjà odieux à l'époque de Poulaille, il devient étouffant, il devient insupportable. Hein? Alors là, on a envie de dire oui, si un type est, par exemple, romancier et camionneur, qui garde son camion et qui continue à écrire des romans. Si on le flanque dans le 6e arrondissement, en 6 mois, c'est foutu, il va devenir aussi requin que les autres. Mais en même temps, on se dit que raisonner comme ça, ça exclut un tas de gens. Ça exclut par exemple, bon, je vais aller en chercher un qui est là, c'est pas trop connu, c'est Georges Hiberneau. Georges Hiberneau, il est né dans les Charentes, il est né dans une famille paysanne des Charentes, où, ma foi, on ne sortait pas de la cuisse de Jupiter. Il a suivi le parcours scolaire, le parcours de la méritocratie Troisième République, un peu, il a fait ses classes. Il est devenu prof à l'École Normale Supérieure de Saint-Cloud. Et il a écrit, je vous signale, deux beaux livres hein, qui sont publiés au Dilettante. Il y en a un qui s'appelle Le Wagon à Vache et l'autre La Peau et les Os, et qui sont le récit de ses années de prisonnier de guerre en Allemagne. Bon, ce sont de très beaux livres. Hiberneau est un écrivain qui a justement fréquenté ces universités populaires, ces musées du peuple, qui est quelqu'un qui a été très soucieux. D'ailleurs, le texte que j'ai fait dans... dans ce bouquin, je l'ai fait précéder d'une citation d'Hiberneau, je le retrouve. « Jamais ce qu'on nomme la culture, dit-il, ne m'a paru plus suspect que certains soirs où je m'efforçais d'y introduire ce que la vie en écarte. Vous venez, tout disposé à partager vos biens, et devant ces visages attendants et ces mains exigeantes, vous n'êtes même plus assuré que ce soit de vrais biens. » Donc c'est quand même quelqu'un qui s'est posé la question de la valeur de la culture qu'il était chargé de propager. Il y en a un autre, et moi j'avoue une tendresse énorme pour cet homme, pour ces textes, c'est Paul Nizan. Pas Paul Nizan, parce que quand vous dites Paul Nizan, vous dites ah oui, Paul Nizan, parce qu'il y a un écrivain qui s'appelle Paul Nizan et Nizedoen. Alors avec cette foutue manie qu'ont les Parisiens de ne pas distinguer le « an » et le « on », eh bien ça devient Paul Nizan. Non, Paul Nizan avec un « a », Paul Nizan, copain de Sartre au lycée, dans les petites classes et jusqu'à Normale Sup, Paul Nizan tué à la bataille de Dunkerque, tué comment d'ailleurs, ça, moi j'aimerais bien qu'on le sache un jour, parce qu'il a été tué dans le dos, hein, il a pris une balle dans le dos. Et Paul Nizan venait de se faire exclure brutalement du PCF parce qu'il avait refusé le principe du pacte germano-soviétique. Hein. Et c'est démêlé avec le PC, ne datait pas de cette signature très bien antérieure. Bon, Nizan, c'est un type qui sort, si vous voulez, on voit comme ça la France s'industrialiser à travers la famille Nizan. Le grand-père, c'est un paysan breton, bon, qui n'est jamais sorti trop de son coin, qui est à peu près illettré. Le père Nizan passe par, le père de Paul, passe par l'école des arts et métiers d'Aix. Il devient cadre, disons, dans les chemins de fer. Mais à l'époque, ce n'était pas la SNCF, il y avait plusieurs compagnies comme ça. Et donc, le petit-fils, Paul Nizan, va aller à Normale-Sup. Il va faire une carrière brillante, il va aller à Normale-Sup. Et il est encore à l'école, je crois. Quand il sort, son premier bouquin, c'est Aden Arabi, qui est un chef-d'œuvre, hein, qui est le récit d'un moment où, ayant en quelque sorte pété un câble, comme disent les jeunes aujourd'hui, il s'en va à Aden, dans l'actuel Yémen, pour y travailler, pour être professeur privé pendant toute une saison. Là, il quitte la France et il découvre la réalité du colonialisme sur place. Il est jeune. Hein. Quand il revient, il sort un deuxième bouquin qui s'appelle Les Chiens de Garde, qui a été réédité récemment chez Agone. Et Les Chiens de Garde, c'est le livre dans lequel il pose la question. Il est en train de se préparer à devenir prof de philo. Et il dit, mais cette philosophie qu'on m'enseigne, qu'est-ce qu'elle a à voir avec la condition concrète des gens qui m'entourent ? Cette philosophie, c'est un petit jeu pour gens qui sont chargés surtout de maintenir un ordre du monde et un ordre des rapports de classe et qui sont les chiens de garde de la bourgeoisie. Donc c'est Nizan, moi je ne me sens pas le droit de dire Nizan, tu n'as plus été Emmanuel, tu es chassé, ça n'a pas de sens, vous voyez. Le public aussi, le public... Est-ce que l'écrivain prolétarien, ça c'est une question que là il n'a pas vraiment résolue, et il n'avait pas envie de la résoudre, est-ce que l'écrivain prolétarien n'écrit que pour les lecteurs de sa propre classe sociale, ou est-ce qu'il écrit pour tout le monde, pour le grand public, hein? S'il écrit pour les lecteurs d'une classe sociale seulement, alors à ce moment-là, il va être diffusé à travers, je sais pas, bon, la presse syndicale, des numéros spéciaux, des choses comme ça, mais ça va rester confidentiel. Et puis il va y avoir un risque de sclérose. Et c'est la question de public, hein, deuxième pôle, là, cette question se recoupe avec la question des modes de diffusion. Hein. Quel va être l'éditeur qui va le prendre en charge? Si c'est un éditeur tout à fait... Évidemment, on est obligé quelquefois de passer par des éditeurs confidentiels quand on sait qu'on n'aura pas une grosse diffusion. Mais Au fond, cette question est importante, et s'il y a trop de connivence, on va arriver à cette espèce de culte que moi je trouve un peu niais du travail manuel à tout prix. Ça, moi je trouve ça un peu niais parce que, bon, j'ai un fils qui est tailleur de pierre, hein, qui a fait sa formation à travers l'apprentissage des compagnons du Tour de France. Bon, il travaille en entreprise, il a fait plusieurs entreprises déjà. Il est à Marseille, ici d'ailleurs, il travaille sur le Palais Longchamp il n'y a pas longtemps. Bon, quand je dis ça, moi, selon à qui je le dis, j'ai des réactions quelquefois qui m'énervent. Et en particulier, cette réaction qui vient souvent de gens qui sont charmants, hein, mais qui sont des petits patrons. Et qui disent, ah, ben ça c'est bien, ah, ben ça c'est bien. Alors toi, tu es prof de fac, ton fils. Je dis oui, il a fait ce qu'il veut, c'est un peu ce qu'il a voulu. Hein. Ah, ouais, mais ça c'est très bien parce que les métiers manuels, on en manque, et de toute façon, on ne fait pas ce qu'il faudrait pour les petites entreprises. Et allez, la baisse de la TVA, la baisse des charges sociales, et la RTT qui fout la France. Et on est parti. Hein. Voilà. Donc ça m'énerve, ça. Ce culte du travail manuel, quelquefois, il vient rejoindre une espèce de poujadisme que moi je trouve un peu puant. Hein. Voilà, c'est tout, j'avais envie de le dire, je l'ai dit. S'il est exclusif, hein, s'il est exclusif, moi j'ai beaucoup de respect pour le travail manuel, d'autant plus que j'ai deux mains gauches et que je suis un handicapé manuel conséquent avec moi-même, hein, je sais pas. Mais quand même, cette espèce de terrorisme du travail manuel à tout prix et qui serait le remède à tous les maux, je suis pas d'accord. Mais c'est pour ça que ce culte de Poulaille pour les métiers de la main, et Fellaire aussi, hein, bon, moi ça, il y a un point limite là. D'autre part, bon, je parle trop là. Les modes d'édition, bon, c'est trop long. Non, mais il y a un débat. Oui, j'achève, hein, je vais vite. Les modes d'édition. Les deux éditions actuellement disponibles du Pain Quotidien, bon, l'édition stock et l'édition Grasset montrent bien là aussi qu'il y a un problème. L'édition stock, elle est pratiquement introuvable, sauf à aller la demander à Cachan. L'édition Grasset, bon, elle dépend de Grasset. Hein. Il y a 2 ans, elle n'y était plus. Pourquoi ? Parce que Grasset avait décidé que les cahiers rouges, ça ne se vendait pas. On supprime les cahiers. Voilà. Ils l'ont ressorti, relooké, ça c'est l'ancienne présentation. Hein. Donc, ils ont ressorti la collection des cahiers rouges, mais c'est d'eux que ça dépend. Et vous savez quand même que la concentration des éditeurs dans un nombre de plus en plus restreint de grandes entreprises fait courir un risque à la liberté de lecture. Hein. Il y a des livres qu'on ne peut plus lire parce qu'ils sont plus réédités. Alors là, il y a vraiment un problème. J'en arrive à la théorisation. Si la littérature prolétarienne ne veut produire que du témoignage, bah, elle peut produire du témoignage, il faut des témoignages bruts de décoffrage, mais en même temps, il faut quand même que de temps en temps, on réfléchisse à ce qu'écrire veut dire, hein, et que le roman revienne sur lui-même pour être de la grande littérature. Et je vais vite, parce pour qu'il y ait un débat, j'en arrive à mon cinquième pôle, le monde fictif. Est-ce que ce dont on va parler, ça sera le seul monde du travail? Est-ce que ça sera le seul prolétariat? Et qu'est-ce qui empêche un écrivain prolétarien d'écrire un roman historique ou un roman d'aventure qui se passerait dans les mers du Sud? Donc pourquoi pas, hein. Et d'autre part, le comment expliquer ça? Il y a la question de l'authenticité finalement, la question de l'authenticité et du fantasme. Hein. Je crois que si le monde fictif représente le prolétariat tel qu'il se pense au moment où l'écrivain écrit, il va y avoir une sorte de sclérose là encore. Hein. Il y a Philippe Geneste qui fournit, bon je vais me servir de lui, ça ira plus vite, qui fournit un élément de réponse là, ce que je suis en train de dire. Il dit « La littérature prolétarienne peint le réel non pour lui-même, non pour décrire, mais pour saisir les modalités du rapport des gens du peuple au monde qui les entoure. Il s'agit donc d'entrer en résonance avec la représentation du monde que se construit le peuple dans son expérience des choses, des gens, du monde, de l'univers et de lui-même. » Voilà, c'est ça qu'il s'agit de trouver, et pas simple. Et ça, justement, ça suppose un retour la réflexion sur elle-même, et pas la sacralisation du type qui avait un métier bizarre et qui a écrit un bouquin qui est forcément génial parce que le métier était bizarre ou parce que l'expérience vécue était particulièrement originale. Et alors, j'en viens à l'écriture, parce que là, pour moi, il y a la grande question. La grande question qui est celle de la représentation d'une langue populaire. Alors, quelquefois, ça rate, ça foire. Moi, j'aime beaucoup Louis Guillou, mais il y a un roman que je trouve raté, c'est Angélina. Et Angélina, ouais. Je vais le retrouver. J'en avais une citation quelque part. Donc, je ne le trouve plus. Ouais, voilà, ça y est, j'y suis. Angélina, voilà Angélina, voilà Guillou, et quelquefois il est mieux inspiré, le trois quarts du temps il est mieux inspiré. Guillou faisant parler un paysan pauvre. Ce n'est point leur richesse, ça part bien. Ce n'est point leur richesse que j'en vis, foin de leur argent, mais je veux vivre avec dignité, qu'on me traite un homme, non un esclave. Ah, si nous pouvions tous nous entendre, les gueux, ne plus seulement nous aider les uns les autres à supporter notre misère, mais tous nous accorder pour nous en défaire une bonne fois et chasser nos maîtres. Franchement, on dirait la comtesse... Il n'y a que Fouin qui m'entend. Ouais, Fouin, mais oui, encore. Non, mais on dirait la comtesse de Ségur. Hein. On dirait l'écriture de la comtesse de Ségur. Alors, bon, d'autre part, je reviens encore à mon article, il faut bien que je me cite. Non, c'est pas moi que je vais citer, c'est Poulaille. Dans Peine de soldats, les soldats autour de Magneux, les copains de Loulou Magneux, discutent quand ils ont le temps. Et voilà ce que dit le texte. On a de saines lectures, dit Magneux, montrant le livre de Barbus. Alors le livre de Barbus, évidemment, c'est le feu. Hein. Le feu qui a paru pendant les années de guerre et qui a été finalement le livre qui, sur le coup, rendait le mieux compte de ce que les gens étaient en train de vivre au front. Je l'ai lu, le feu. Alors, je marque les... Poulaille marque les élisions de Humain. Je l'ai lu, le feu. C'est un beau bouquin. Il est presque vrai. Il n'y a qu'une chose. C'est trop romantique, trop en théâtre. Ça m'a emmerdé de voir ça parce que c'est un livre costaud. Alors ça, voilà. C'est trop romantique, c'est trop en théâtre. Il le fait dire à Magneux qui cherche un peu les termes de sa définition. Mais c'est trop apprêté. Hein. C'est trop en théâtre. Alors, je vais peut-être vous choquer. Mais à mon avis, moi, celui qui écrit le mieux, qui arrive le mieux à rendre l'oralité dans la langue, c'est Céline. Ça n'empêche pas que Céline a été un redoutable salaud, ça c'est certain. Mais Mort à crédit, c'est quand même le livre dans lequel la langue populaire, la langue parlée tous les jours par les Parisiens, par exemple, est la plus marquée, la plus précise. Alors... Mais sur cette question de traduire la langue parlée, la langue du peuple, je crois que tous les trois méritent d'être lus. Alors, dans le quotidien, c'est le moment où Loulou a été placé chez la voisine, chez Madame Radigon, parce que son père a eu un accident du travail, et il est couché, il faut s'occuper de lui, peut-être trop long. Loulou a été envoyé chez la voisine s'occupe de lui avec ses enfants, et il se passe un drame dans la maison. Il y a une vieille dame qui vit dans les chambres de bonne tout à fait en haut de la maison, qui va être expulsée, et qui arrive à se procurer je ne sais plus quel poison, elle s'empoisonne et elle meurt. Alors tout l'immeuble va à son chevet, elle meurt d'une souffrance atroce, etc. Puis ça traumatise tous les gens. Et quelques temps après, Loulou, il est à table avec les Radigons et ça donne ça. « Ne gâche pas ton pain », avait dit le père Radigon, le voyant en train de chipoter avec sa tartine. Ne se croyant pas observé, le gosse aplatissait des morceaux de mie qu'il jetait négligemment sous la table. Et la mère Radigon, « Le pain », avait-elle déclaré. « C'est la chose la plus importante de la vie. » De tout ce que tu manges, c'est le pain qui compte le plus. Tu n'as pas l'air de comprendre, Loulou. Ben, je t'aidais à te mettre bien ça dans la tête. Je ne sais pas ce qu'on vous apprend à l'école, des idioties comme l'histoire du vase de Soissons ou le camp du drap d'or, ou qu'un marchand de fromage qui avait des camemberts les a vendus avec un bénéfice de temps, et on vous demande même pas si c'est un voleur ou pas, mais simplement combien il a fait de bénéfices, et des autres foutaises comme ça. Pour ce qui est des choses de la vie, vous faire respecter le pain qui est si dur à gagner, ça, il l'oublie. Mais si le père Radigon et Rémi et Jean et Nénette travaillent, c'est pas pour le plaisir. C'est parce qu'il faut des sous pour acheter du pain. Du pain et autre chose, mais le pain en premier. Il n'y a pas de pain sans qu'on ait des sous. Ça a l'air de rien, mais le pain coûte cher. Hé, loulou, il y a des gens qui peuvent pas s'en acheter. Tu me crois pas? Eh, t'as vu l'enterrement tantôt? Tu l'as connue, Madame Blache, la vieille dame du cinquième? Elle sortait plus beaucoup, elle était malade, qu'on disait. On disait ça, mais personne n'y allait voir. Ben moi, je vais te dire, elle n'avait plus de quoi s'acheter de pain. Il ne s'agit pas de pleurer comme l'autre jour que Nénette te racontait la petite fille aux allumettes quand il disait « Moi, je vais acheter toutes ces allumettes, avec un sou d'abord. Pleure pas que je te dis, écoute ce que je te vais dire. » Ça, c'est pas des histoires, c'est la vie. Cette vieille dame en mourait de faim. Du pain, il aurait suffi. Mais la boulangère, faut la payer. Elle n'avait pas de sous, alors elle avait du poison et elle l'a bu. Et quand on était tous là-haut, toute la maison montée dans sa chambre, qu'on aurait pu lui donner du pain, elle était morte. Grave-toi ça dans le ciboulot, loulou, maintenant, ajouta-t-elle. Si jamais je te reprends à gâcher du pain, je te foutrai ma main sur la gueule que tu t'en rappelleras. Voilà, ça c'est ma première, le premier texte que j'avais envie de lire. Là, je crois qu'il faut le lire. Bon, même pas. Je l'ai trouvé. Ouais, je crois. Voilà. Et le deuxième, bon, alors si vraiment vous avez quelque chose contre la lecture de Céline, je le fais pas, hein, je le lis pas, mais bon, c'est dans Voyage au bout de la nuit, le moment où la vieille en rouille s'est aperçue qu'on avait voulu l'assassiner. Robinson, le copain malgré lui de Bardamu, a monté un plan avec les parents, cette vieille grand-mère, elle ne veut pas se décider à mourir, et puis il y a un héritage quand même à récupérer. Donc Robinson a piégé la cage au lapin, où elle va tous les jours, elle va donner au lapin, et il a mis des pétards, parce que les pétards lui pètent à la gueule quand elle ouvrira le clapier. Mais il se débrouille tellement bien que c'est lui qui se fait péter des pétards dans la figure. Et le docteur, Bardamu, donc, est appelé au chevet de Robinson. Alors elle crie, la vieille, et la belle-fille, essaie de calmer le jeu. « Mais docteur, écoutez-la, n'est-ce pas malheureux d'entendre ça, moi qui ai toujours essayé de lui rendre au contraire la vie meilleure? Vous le savez bien, moi qui lui ai proposé tout le temps de la mettre en pension chez les sœurs. » C'était trop pour la vieille d'entendre encore une fois parler des sœurs. « Au paradis, oui, garce, que vous vouliez m'envoyer toutes, ah, bandite, et c'est pour ça que vous l'avez fait venir ici, toi et ton mari, la crapule qui est là-haut, bien pour me tuer aussi, et pas pour m'envoyer chez les sœurs, bien sûr. » Alors, il a raté son affaire, oui, ça vous pouvez bien vous le dire que c'était mal machiné. Allez-y, docteur, allez le voir dans quel état il s'est arrangé, votre saligo, là-haut. Et lui-même encore qui s'est fait ça, et même qu'il faut bien espérer qu'il en crèvera. Allez-y, docteur, allez le voir pendant qu'il est encore temps. Alors, je coupe, et un peu plus loin, ouais, un peu plus loin. On les a rendus comme ça, les hommes d'à présent. Parfaitement, on les habitue ainsi, qu'insistait la vieille. Il faut qu'ils tuent à ce jour pour manger. Il leur suffit plus de voler leur pain encore, et de tuer des grands-mères encore. Ça s'était jamais vu, jamais, c'est la fin du monde. Et ça n'a plus rien d'autre que des méchancetés dans le corps. Mais vous voilà enfoncés tous jusqu'au cou dans la diablerie. Et qu'il est aveugle maintenant, celui-là, et que vous l'avez sur les bras pour toujours, hein? Et que vous n'avez pas fini d'en apprendre des coquineries avec lui. Et alors, troisième lecture, c'est toujours dans cette même perspective, savoir qui fait le mieux entendre le ton de l'oralité, et d'une langue qui n'est pas apprêtée, qui n'est pas contrôlée, le ton de l'oralité. Malraux, alors lui, bon, je dis, c'est pas du tout un prolétarien, mais dans ce roman que moi je trouve magnifique, qui est L'Espoir, il y a un moment où, à l'attaque, dans la défense du train blindé, un paysan a été blessé. On l'a amené, c'est le père Barca, on l'a amené à l'hôpital, et Manuel, qui est un responsable politique important, va voir Barca à l'hôpital. Et Barca lui parle, Manuel lui demande pourquoi au fond, pourquoi il s'est engagé. Et l'autre lui répond, il y a autre chose, je vais te dire un souvenir, peut-être que tu ne le trouveras pas sérieux, peut-être que si. Quand j'étais encore cultivateur, avant que j'aille à Perpignan, le marquis est venu chez nous. Il parlait avec des gens à lui, il parlait des nôtres. Et il leur a dit, je te répète mot pour mot, voyez ce que c'est que ces gens-là, ils préfèrent l'humanité à leur famille. Méprisant qu'il était. J'aurais pas pu discuter sur le moment, mais j'ai réfléchi cette fois aussi, j'ai compris ça. Quand nous, on veut faire quelque chose pour l'humanité, c'est aussi pour notre famille. C'est la même chose. Tandis qu'ils choisissent. Tu me suis, ils choisissent. Monsieur Garcia est venu me voir. Je connais depuis longtemps, c'est un homme qui s'est toujours intéressé aux choses. Maintenant qu'il est en renseignement militaire, il veut savoir ce qui se passe dans les villages. Mais il me demande de l'égalité. Écoute, Manuel, je vais te dire une bonne chose que vous ne connaissez pas tous les deux parce que vous êtes trop... Enfin, vous avez eu trop de chance, disons. Un homme comme lui, Garcia, sais pas trop bien ce que c'est d'être vexé. Et voilà ce que je peux te dire. Au contraire de ça, l'humiliation, comme il dit, c'est pas l'égalité. Ils ont compris une chose quand même, les Français, avec leur connerie d'inscription sur les mairies. Parce que le contraire d'être vexé, c'est la fraternité. Et alors voilà, donc, je conclue. Quelle différence y a-t-il finalement entre les émotions produites par ces trois textes? Moi, je n'en sens pas. Chaque fois, ce sont des espèces de morceaux de bravoure, comme ça. Et pourtant, le premier texte est dû à Poulaille, prolétaire, qui se voulait pur et dur. Le deuxième à un médecin de banlieue qui s'est voulu romancier et qui est devenu fou furieux, Céline. Et le troisième à un aventurier visionnaire qui a fini sous les ordres des palais de la République. Et tous les trois pourtant cherchent, et c'est difficile, hein, il y en a tellement qui ratent ça, ils cherchent à parler peuple, voilà. Tout en parlant du peuple, chaque fois, hein, les trois. Et tous trois, moi je crois qu'ils peuvent entrer, tous les trois, en même temps dans ce que on pourrait appeler les classiques du peuple, encore que le titre ait été récupéré par le Parti communiste. Et je crois, enfin j'espère, au moins je me le suis démontré à moi, si je ne voulais pas démontrer à vous, que la question de l'unicité, de l'exclusivité d'une littérature prolétarienne est loin d'être tranchée. Parce que personne n'a d'exclusive, personne n'a un label. Donc, au bout du compte, eh ben, je n'ai pas répondu à la question que je m'étais posée, ce qui prouve qu'il reste encore un débat. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que je réponds, mais voilà, je crois. En tout cas, moi, je crois. Voilà, j'ai fini. Merci. Vous l'avez pris, le livre ? Oui, c'est là. Ah, je l'ai pris parce que en feuilletant, j'ai vu deux noms, Ramu et Istrati. Ouais. Alors, j'ai dit quelque chose sur Istrati, mais bon, je suis resté franco-français. Mais il a écrit en français. Oui, je sais. Mais directement en français. Non, il y a des étrangers, c'est Istrati ou Malaké. Oui. J'ai parlé de Malaké, mais. Comment tu fais ça? Qui sont. Ils ne peuvent pas considérer autrement, mais c'est là, pour lui, c'est la langue française. Oui, mais de toute façon, je ne pouvais pas. Je veux dire, ça aurait servi à rien que je présente en détail ce livre. Hein. Moi, j'ai essayé de jouer ma partition, ma petite partition. Et je vous dis, pour moi, la question, c'est celle de l'actualité de la permanence. Parce que par exemple, voir qu'on considère Ragon comme une espèce d'étoile morte, hein, plus ou moins, il est encore en vie, Ragon, il va bien. Mais bon, quand on en parle, c'est toujours par rapport à une espèce de passé littéraire. Ça, c'est un peu dommage. Et il y a l'article de Paubel, de Céline Paubel, qui est intéressant. Mmh. Sur, voilà. Non, mais finalement, quand on parle de littérature prolétarienne, c'est encore de la littérature. Ben ouais. Et ce que je pense voulait faire Poulaille, c'est ne pas rentrer justement dans un créneau appelé littérature. Il voulait, je crois que le problème, c'est d'avoir mis le mot littérature avant prolétarien. Et lui, dans sa tête, c'était séparer prolétaire de littérature. En fait, il est là le problème. Ouais. Il me semble ouais, mais alors, moi je trouve avec quand même, le recul, j'ai essayé de dire ça dans le texte que j'ai fait là, mais j'ai pas dit tout ce que je voulais dire au départ. Bon, moi, mon grand-père n'était pas prolétaire, hein, il était facteur. Bon, facteur, c'est fonctionnaire. Mon père est devenu prof de fac. Mon grand-père, lui, moi je me souviens, quand j'ai passé le bac, on lui a demandé ce que j'allais faire. Alors on lui a dit que j'allais aller à Nipocagne. Bon, il a demandé, ouais, peut-être il va être prof de français. Moi, je n'avais aucune envie à l'époque, hein, j'avais plutôt envie de faire du théâtre ou du cinéma, je n'étais pas fixé. Et alors là, il m'a dit, si tu dois être professeur de français, il faut que tu lises Victor Hugo. Ouais, j'ai dit oui, moi à l'époque, je n'avais pas une passion pour Hugo. Et alors, il m'a sorti, ça je savais par mon père, que c'était fait beaucoup engueuler par ma grand-mère, quand il y a eu le cinquantenaire de la mort de Hugo, les éditions Nelson ont sorti une édition complète des œuvres de Hugo. Vous savez, Nelson, c'était ces petits bouquins à couverture jaune avec un M doré comme ça, sur la couverture avec une jaquette illustrée. Et ça faisait énorme, hein, je ne sais pas combien il y a de volumes là-dedans, 38 ou 40, et ça se payait à crédit. Ma grand-mère, elle a gueulé, elle me dit qu'il était nombreux, il était 5 enfants. Et le grand-père a acheté ça. Et il m'a dit, il faut que tu me lises tout, celui-là, parce que... Et alors il y avait une logique, il m'a dit, de toute façon, c'est l'écrivain du peuple. Il m'a dit, toi, si tu es prof de français, tu as quand même quelque chose à faire, c'est apprendre aux enfants du prolétariat à ne pas se faire couillonner par la bourgeoisie. Je cite, hein. Et ensuite, alors, je me rappelle, le jour, il m'a engueulé parce que j'avais pas lu Claude Gueux. Chier, Claude Gueux, j'avais pas envie de lire Claude Gueux à ce moment-là, j'avais pas lu. Bon, j'en avais lu d'autres, parce qu'il m'interrogeait, il m'interrogeait, ma mère. Et puis un jour, on parlait comme ça, on parlait de... Alors, en plus, il se chamaillait souvent avec son fils, pas avec mon père, avec mon oncle, avec un de ses autres fils, qui, lui, avait une passion pour Zola. Lui, avait fait une génération plus tard la même chose, c'est-à-dire qu'il s'était commandé l'édition du Club du Livre, je crois, de Zola. Et mon grand-père, Zola, ça ne lui convenait pas du tout. Vous voyez que Zola était méprisant, enfin, ça ne lui plaisait pas. Et ils sont et donc, moi, j'ai participé à la conversation, évidemment. Et un jour, il me dit, de toute façon, il y en a quand même un aussi. Moi, je ne l'ai pas complet, il me dit, parce qu'il a quand même beaucoup écrit. C'est Zévaco. Zévaco, au départ, d'ailleurs, mais Zévaco, c'est un anarchiste, pur et dur. Et je lui dis, mais, certains, pareil, Zévaco, les Pardaïens, excuse-moi quand même, Pardaïens, c'est le chevalier, c'est la noblesse. Il me dit non, c'est le chevalier de gauche. Et c'est vrai que c'est le chevalier de gauche, quand, et libertaire en plus, quand Henri de Navarre lui dit monsieur, voulez-vous être à moi, Pardaïen, il dit non, je suis à moi, j'appartiens à personne. Donc, moi, ce que je crois, et ce que j'essayais de dire, c'est que s'il est vrai que l'école laïque, publique, obligatoire, machin, de Jules Le Ferry, sur lequel il faudrait d'ailleurs revenir, hein, parce que ça a été aussi Ferry Tonkin, et ça a été le grand organisateur de l'exposition coloniale, hein, Ferry, bon, c'est pas un ange. Si cette école a permis d'augmenter un lectorat, c'est-à-dire a conduit des gens à savoir lire en plus grand nombre, et à pratiquer la lecture, à lire, c'est vrai aussi que ces gens, ils ont commencé par lire ce qu'ils avaient à leur disposition, et ce qu'ils avaient à leur disposition, c'était ce que leur fournissait l'école. Et donc, les premiers classiques du peuple, si vous voulez, ça a quand même été Hugo, par exemple. Et ça a été aussi bon, les pages choisies d'auteurs plus ou moins revanchards dans la période de 1872-1914. Si vous regardez les livres de lecture de cette année-là, c'est pas triste. On n'a pas eu la chance en France d'avoir... En Suède, ils ont eu un ministre de l'instruction publique qui était Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf, elle a fait avec... Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, un bouquin qui est une merveille, parce que c'est à la fois un conte, hein, un conte qui pourrait être un conte populaire, l'histoire du petit garçon enlevé par, transformé en lutin et enlevé par le jar qui veut partir avec des oies sauvages. Donc c'est un conte, mais c'est en même temps un livre d'histoire, de géographie, de morale, c'est un livre magnifique. Nous, on a eu la pauvre madame Bruno qui a fait le Tour de France par deux enfants. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous l'avez vu, ce Tour de la France par deux enfants, c'est assez pitoyable. Voilà. Moi, je crois qu'au départ, la nécessité de Ribord, qui a fait la préface de l'édition Stock de Poulaille, il dit, pour les choses sont très simples, il dit, voilà, il y a des gens qui ont appris à lire, et à écrire, et à s'exprimer par l'écriture, donc ils se sont dit, je vais écrire pour les autres, et je vais écrire comment. Quand on écrit, on imite toujours nécessairement, on n'invente pas tout. On n'écrit jamais le premier, on écrit toujours adossé à une tradition. Donc c'est pour ça que moi, je crois pas, d'abord je crois pas à ce qui est pur. Celui qui a eu le plus l'obsession de la pureté dans le siècle précédent, ça a été Hitler. En vrai, ça nous a amené. Hein. Je crois pas à ce qui est pur, je crois pas à ce qui est chimiquement pur. Je crois au mélange, et je crois que la littérature prolétarienne, elle se constitue à partir d'un tas d'apports qui sont littéraires. Surtout que Poulaille était quand même, lisait énormément. Oui, bien quand sûr. Il était chez le pharmacien dont tu parles, il était plus assis à lire dans les rayons de la pharmacie plutôt qu'à faire le commissionnaire. Et alors, il y a une anecdote que raconte Giono, il l'a peut-être inventée, hein, mais bon, c'était assez menteur. mais il y a des choses que ce soit quand même. Il raconte que dans les années 30, je ne sais plus à quel moment exactement, Gide est allé le voir. Gide s'est déplacé. En habitude, c'était Giraudon qui montait à Paris, qui allait voir Gide. Là, c'est le contraire. Alors, vous imaginez le débarquement de Gide, le chapeau cabossé, la grande cape, l'air d'oiseau de proie, à la gare de Manosque, ça devait faire un tableau. Alors, il se pointe chez Giono, qui habitait à l'époque avec sa mère dans la grande rue de Manosque, il n'avait pas encore sa maison de Paris. Il dit bonjour, je suis André Gide. Alors, bon, la mère de Giono, elle lève le tablier, elle va chercher son fils qui était à la banque, qui travaillait. Et à l'époque, attention, il n'était pas brouillon, il était sous-directeur de la banque, donc il pouvait s'absenter comme il voulait. Alors, elle arrive, elle lui dit, Jean, il y a un monsieur qui te demande, il dit qu'il s'appelle le Gide. L'autre dit, ah, c'est André Gide. Dis-lui de m'attendre, j'arrive, gonflé. Dis-lui de m'attendre. Alors, la mère de Giono revient à la maison et elle dit, écoutez, attendez-le, et rentrez dans son bureau. Rentrez dans le bureau que s'était aménagé Giono. Et au bout de 2 heures, Giono rentre de la banque et il trouve Gide, qui lui dit, alors il dit, vous n'êtes pas trop ennuyé. Gide dit, non, non, je regardais vos livres, je regardais votre bibliothèque, les livres que vous avez, je n'ai pas vu les miens. Et Giono lui répond, ah mais non, mais ça c'est parce que cette bibliothèque, il dit, c'est une bibliothèque que je me suis faite à une époque où je gagnais très peu d'argent. Alors, finalement, je pouvais acheter les classiques, parce que les petits classiques Garnier, ils coûtaient 95 centimes. Alors c'est comme ça, comme enfin, j'ai acheté Sophocle, Euripide, Shakespeare, Dostoïevski, c'était pas cher ça, mais j'ai pas pu acheter Monsieur André Gide qui coûtait 7,50 francs. Bon, l'anecdote, elle est drôle, elle est cocasse, mais en même temps, elle prouve bien que, à une époque, ça aussi ça compte, à une époque où le livre de poche n'existait pas, les collections bon marché n'existaient pas, et à plus forte raison, les petits là, à 10 francs, enfin qui étaient à 10 francs, oui, le Rio, ça n'existait pas non plus. Bon, donc ce qui a eu de moins cher, me semble, après la guerre, ça a été la collection pourpre chez Gallimard qui a précédé le livre de poche. Le bouquin à jaquette rouge, ça a été repris en poche. Ça. Mais c'était cher, les bouquins. Donc, l'acquisition d'une culture, la constitution d'une culture, ça passait très souvent par ce que l'école fournissait, à travers les livres de classe. Les livres de prix. Les bibliothèques. Oui. Les bouquinistes. Moi, je voudrais dire quelque chose que je ressens depuis un petit moment. Moi, je connaissais pratiquement que deux noms de Boulaye, et en fait, on fait des affaires, c'est dans tout le monde. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a. Qu'on appelle ça la littérature autrement, il y a des livres. Et quand on est un jeune lecteur, on a des émotions. On rencontre, à travers un bouquin, quelque chose qui est écrit, qui fait écho en nous, qui nous touche ou qui ne nous touche pas. Et là, on laisse le bouquin. Et ce que je trouve important, c'est quand même qu'en définitive, chaque individu va trouver dans un bouquin, y compris un bouquin qui se parle de prolétarienne, est-ce que le terme de prolétarienne, quand on parle justement des philosophes grecs, ça peut encore s'appliquer? Ce qui est important, c'est ce qui se passe. Je me rappelle, les premiers temps que je rencontrais dans la rue, il me parlait justement de Hugo. Zola, je connaissais. Hugo, j'avais mauvais souvenirs au lycée. J'avais les dents graves, j'allais juste là. Hein. J'avais souffert, donc il n'était pas question de me reparler de Hugo. Puis il m'a parlé d'un des vapeaux, dont j'avais jamais entendu parler. Et c'était ça qui l'avait fait vibrer, et c'était ça qui lui avait fait découvrir ce qu'il savait déjà de lui-même, c'est-à-dire qu'il était contre la justice, qu'il était pour la générosité, et ça on le trouve dans les 5 bouquins. Oui, Et donc, j'ai envie de dire, donc, qu'est-ce que ça peut bien faire que les auteurs en question soient pour les arrières ou pas, s'ils parlent de l'humanité? Qui parle de ce qui est chez les autres et que nous retrouvons en nous. Je ne sais pas, moi. Oui, alors moi je suis d'autant plus d'accord avec vous que. Il y en a un dont je n'ai pas parlé de Moulite, je n'ai pas parlé de Panélis, mais il y en a bien d'autres. Je n'ai pas parlé de. Moi, l'écrivain que je trouve génial, c'est Calaferte. Oui, Calaferte. Bon. Le premier livre de Calaferte, il l'a écrit, je crois qu'il avait 23 ans. Ça s'appelle Requiem des Innocents. Et ça rencontre, ça raconte une enfance dans les quartiers, dans les bidonvilles de la banlieue lyonnaise. Et c'est un livre terrible, terrible de cruauté. Et donc il écrit ça, comme il peut, il le montre à Kessel, je ne sais pas comment il a connu Kessel. Kessel lui dit, bon, on va publier ça. Et on le publie chez Julia. Et ensuite, chez Julia, on lui dit, ben jeune homme, faites-nous en d'autres. Faites-nous en d'autres comme ça. Et là, c'est pas lui, il essaye d'en faire un autre comme ça. Et il fait Partage des vivants. Alors je vais vous dire, Partage des vivants, je n'ai pas pu le lire, parce que Calafert ensuite a exigé que ce livre ne soit plus réédité, ne paraisse. Alors on peut le trouver chez les bouquinistes, bien sûr. Mais Calafert dit que c'est une merde. Parce qu'il s'agissait, d'abord on ne se recopie pas, enfin, toute activité artistique suppose qu'on ne se recopie pas, le comédien à qui on a dit le soir tu étais très bon, le lendemain il va essayer de faire la même chose, il va être nul parce qu'il se sera recopié, et Partage des vivants, c'est ce moment où Calafert était en train de se faire étiqueter et écrivain du bidonville, quoi, voilà, et ça a été dur parce que pendant des années il n'a pas écrit. Et le pauvre, quand il est revenu à un texte publié, ça a été Septentrion qui s'est fait saquer comme texte obscène, pornographique, blasphématoire, etc. Ça a été un des derniers livres interdits à l'affichage public. Et ça, Calafert, c'est vraiment l'exemple. C'est un écrivain, voilà, moi je me fiche. S'il faut demander leur feuille de paix aux écrivains pour dire qu'ils sont acceptables ou pas, je suis pas d'accord, il y a une survalorisation. Et alors, chez Poulaille, bon, Poulaille il a un côté très sympathique, il a écrit deux beaux livres, je ne peux pas parler des autres, je ne les ai pas lus, et deux beaux, évidemment, un nouvel âge littéraire. Mais il y a quand même un truc inquiétant, c'est Guillou. Bon. Il aime beaucoup Guillou, il dit ah, Guillou c'est très bien, sauf Le Sang Noir. Mais flûte, Le Sang Noir c'est le plus beau roman de Guillou, c'est le meilleur, voilà. Alors bon, le Pain des Rêves, c'est vrai que c'est beau le Pain des Rêves, le Compagnon c'est magnifique, je viens de le relire, c'est un très très beau texte, La Maison du Peuple aussi. Mais il ne veut pas Le Sang Noir, parce que Le Sang Noir, ça se passe, le héros est un prof de philo, que ça se passe dans des milieux bourgeois, mais c'est un grand livre Le Sang Noir, il ne veut pas. Et je vous dis, au nom des principes Poulaille, vous excluez un écrivain comme Nizan. Or, pour moi, Nizan, c'est vraiment un très grand écrivain. La Conspiration, c'est un livre magnifique. Et ça, je suis d'accord avec vous. Et puis, si je me permets d'aller un petit peu plus loin, c'est au fond, c'est un petit peu embêtant quand on se met à faire des catégories, pas seulement sur le plan littéraire. J'ai eu, sur les raisons de travail et d'études, à m'interroger sur l'espèce d'importance qu'on a pu donner au fait justement d'être prolétarien. Comment je commence à me situer plutôt maintenant individualiste que libertaire, il y a quelque chose qui me gêne parce qu'au nom du prolétariat, on a fait des tas de saloperies. Oui, mais bon. Oui, ça c'est vrai. Et oui. C'est au nom du prolétariat, par exemple, qu'on a persécuté un grand compositeur comme Shostakovich. Ouais. Et alors là, moi j'ai une anecdote, hein. Je vais vous la raconter parce qu'elle me fait hurler de rire. Ça se passe, je ne veux pas dire, oh, si je le dis, c'est à Port-de-Bouc. Je le dis, tant pis, c'est à Port-de-Bouc où il y a il y avait un stade de Joseph Staline, ça ils l'ont changé. Il est devenu stade municipal. On ne sait pas qui est municipal, mais ça va reculer. Mais ils ont quand même, ils ont une. Il y a une maison de. Une foyer des vieux Elsa Triolet, je crois. Il y a une bibliothèque. Il y a Yuri Gagarin, ça c'est vraiment le culte. Hein, c'est, alors, vous avez l'avenue Maurice Thorez. Et alors une année. Et je le tiens de bonnes sources. Une année, il faut venir à Aragon. Aragon s'amène. Alors, tribune, évidemment, ils aiment bien les tribunes. Et Aragon, qui a les cheveux blancs, très, très beau type, avec Elsa Triolet derrière, le regard perçant, la tueuse du KGB. Tant pis, je dis ce que je ressens. Hein. Et là, donc, il s'installe, et Aragon dit la pire chose qu'il pouvait dire, je ne suis pas venu faire une conférence. Alors, le conseil municipal, et moi, celui qui m'a raconté, c'est celui qui avait sonorisé la chose. Il y avait un truc d'électroménager et c'était lui qui installait les micros, les haut-parleurs, tout ça. Et quoi, pourquoi tu veux alors, il n'avait pas coupé les micros, on entendait le maire et les consignes. Je dis, oh, t'aurais-tu préparé, on arrive préparé. Alors bon, au bout d'un moment, Aragon dit, bon écoutez, voilà, je ne ferai pas une conférence, j'aimerais que nous débattions autour des questions qui vous intéressent, peut-être à travers mes livres. Silence, alors il dit, alors, qui a lu quelque chose de moi? Et tout d'un coup, une main se lève et dit au fond de la salle, c'est comme dans les dessins de Stampé, là, un type qui lève le doigt. Oui, camarade, alors on lui donne la parole, et le type, il dit, alors si vous avez lu, il dit, j'ai lu les communistes. Ah, ben là, Aragon, il savait beaucoup mieux. Il dit, alors qu'est-ce que, vous pouvez nous dire, et le type, il dit, fin, c'est long. Aragon s'est résigné à lire des pages de son œuvre et ça se finit comme ça. Et alors, par ailleurs, moi je me souviens très bien d'un truc qui me foutait dans des rages folles. Quand j'étais étudiant, on a vu arriver à Toulouse, j'étais étudiant à Toulouse, il y avait une troupe de théâtre de décentralisation qui s'appelait Le Grenier de Toulouse, qui était une troupe qui n'avait pas de salle. À un moment, elle a tourné dans des cinémas, dans des salles plus ou moins pas adaptées, quoi, jusqu'à ce qu'on leur donne un ancien amphi de fac de médecine qui est devenu le théâtre Daniel Sorano. Et quand Maurice Sarrazin a su qu'il pouvait enfin s'installer fermement à Toulouse, il a commencé à travailler avec un auteur de théâtre pour qui moi j'ai une dévotion, hein, je ne cache pas, c'est Armand Gatti. Il a fait venir Armand Gatti et Chronique d'une planète provisoire a été créée à Toulouse. Et donc, le grenier de Toulouse s'est installé. Moi, je me souviens de Gatti tenant les potages chez les étudiants qu'on était à l'époque jusqu'à les 3 heures du matin dans le Tortoni pour nous expliquer ce qu'était le théâtre pour lui. Et puis, il y a eu le théâtre Daniel Sorano avec des débats. Alors, il y avait une série de représentations, et puis, le premier samedi qui suivait la première, comme là, maintenant, vers les 4 heures de l'après-midi, on allait au théâtre, et il y avait le metteur en scène, l'auteur, si c'était une pièce contemporaine, un comédien, quelquefois, il y avait 2 ou 3 personnes, donc ça, on faisait un débat avec le public. Alors, dans le débat avec le public, il y avait « d'après moi, machin », et puis, il y avait toujours le moment où il y avait un type qui levait le doigt, alors on lui disait, on demandait aux gens d'où ils venaient. Alors, moi, j'étais étudiant, je suis ceci, je suis cela. Et puis, si un type disait, moi, je travaille à Sud Aviation, on avait le prolo. Alors, du coup, il fallait que tout le monde se taise parce que la parole divine, hein, c'était pénible. C'était pénible. Ça, c'est de l'ouvrierisme, et ça, moi, ça m'agace. Et bon, je suis d'accord. Hein. Alors, bon, on a l'air méchant avec ce poulaille, je crois qu'il ne mérite pas quand même, parce que, non, les deux romans, vous les avez lus, là Non. Ouais, Pain quotidien, ça a vraiment de la... Ah, mais c'est magnifique, hein, c'est un très beau livre, Pain quotidien. Je voudrais revenir, là, sur ce que vous sur la rigidité de poulaille, il faut quand même revenir à la base du socialisme du siècle passé en Russie. Il ne faut pas oublier, comme vous le citez plusieurs fois, que tous les poètes nihilistes et tous les militants nihilistes disaient « je préfère un fromage à Pouchkine ». Chaque fois, ils ramenaient ce truc de « je préfère quelque chose de concret à un grand écrivain, à un grand poète, à un grand metteur en scène et tout ». Donc, est-ce que là, ça veut dire que, bon, il y a une filiation de poulailles par rapport à ce mouvement nihiliste ou pas? Donc ça, c'est la première question. La deuxième, c'est que poulaille quand même, c'est quelqu'un qui était paradoxal. Et tout à l'heure, vous citiez Michel Ragon qui a fait la préface de Seul dans la vie à 15 ans. Et Ragon a reconnu un poulaille, un peu ce père qui n'a plus. Et bon, si d'un point de vue idéologique, poulaille est très dogmatique, apparemment d'un point de vue humain, poulaille est quelqu'un qui pratique la fraternité, l'entraide, et ça, vous n'avez pas développé. Mais quand même, quand on voit que son fils spirituel, donc, qui est Michel Ragon, qui lui se présente comme ça, qui, et lui aussi a été sauté de saut comme poulaille, et qui se présente, qui est issu aussi même du lumpen prolétariat, parce que sa mère travaillait dans des fabriques de mouchoirs, il n'y avait plus de père comme poulaille et tout. Ragon, c'est tout sauf un idéologue, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a produit là? Il a écrit sur l'architecture, sur la peinture, il a écrit des essais littéraires, historiques et tout. C'est-à-dire, ce dogmatique ce dogmatisme de Poulaille, moi je pense qu'il a été contrecarré par sa pratique. Ouais. Et là on en revient, hein, ce n'est pas tellement ce qu'on dit, ce qu'on dit être, ou quelle idéologie on défend, moi je pense plutôt c'est ce qu'on est dans l'avenir. Ouais. C'est ce que son idéologie elle fait de soi, et ce qu'on transmet. Parce que si on reste sur votre schéma, on voit Poulaille en étant un dogmatique. C'est sûr qu'il est rigide, il est dogmatique et tout. Ouais. Mais bon, d'abord, il fait partie du mouvement ouvrier, il ne vient pas de n'importe où. On l'a vu au siècle passé, il vient tous les courants ouvriers, dans le mouvement social et surtout dans le mouvement anarchiste aussi. Et deuxièmement, les gens qui arrivent derrière lui et qui, entre autres, Ragon, ne sont pas, sont loin d'être des dogmatiques et sont loin d'être des gens qui n'écrivent que pour une frange de la population. Moi, le peuple, ça me gêne. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais un peu ramener dans le débat, parce que... la façon dont on l'a présenté, ça me gêne un peu. Moi, je sais que j'ai lu Le Seul dans la vie à 14 ans, et c'est vrai que c'est un livre qui m'a fait un choc, parce que c'est vrai que toute la littérature qu'on m'a fait lire au lycée, après j'ai découvert que Istrati, là, ça m'a fait la tête, ça, et c'est ce qui m'a fait devenir ce que je suis, pour revenir à ce que j'ai suivi tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, on rencontre des gens qui parlent autre chose que du langage codé qu'a le pouvoir, c'est-à-dire qu'a la bourgeoisie, ou qu'avait la royauté, ou qu'avait qui se transmet. Et ça, c'est important, je pense que c'est plus important que leur dogmatisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme pour les nihilistes, à un moment donné, ils avaient le dos au mur, et à un moment donné, ils sont allés dans une voie qui peut nous paraître à nous maintenant dogmatique et tout, mais qui quand même... Je pense qu'ils ont ouvert des portes et il faut leur être reconnaissant pour ça, sur les portes qu'ils ont ouvertes. Après, bon, on peut toujours voir ce que... Non, moi, je crois que le tort que j'ai eu, c'est ça, c'est de vouloir... parce que je suis obligé. Je veux dire, je suis obligé, dans le boulot que je fais, je suis obligé de prendre en compte un certain nombre de paramètres. Un livre, c'est pas comme ça quelque chose qui ne bouge pas. Un livre, c'est écrit pour être lu, mais au moment où c'est écrit et le moment où on le lit n'est pas nécessairement le même. Nous continuons à lire Poulaille qui a écrit en 1930. Donc il y a un tas de ces paramètres. Moi, bon, ce modèle, il va peut-être bouger. Je sais pas. Je travaille. Je suis en train de travailler. Je vous ai donné là quelque chose de brut de décoffrage. Bon, je le dis, je n'aurais pas dû le dire, mais je suis en même temps, je suis là aujourd'hui pour cet entretien, mais j'ai commencé là, au deuxième semestre de l'année universitaire, un cours de licence qui s'intitule Écrire le peuple, point d'interrogation, et où il y a Le Pain quotidien, j'ai mis Le Pain quotidien au programme, j'y ai mis Le Cheval de Troie de Nizan, j'y ai mis Mort à crédit de Céline, et le quatrième, c'est oui, Le Pain des rêves de qui. Donc voilà, je suis en train, j'ai pas de certitude, j'ai pas de choses définitivement acquises. Le jour où j'aurai des certitudes, je prendrai ma retraite, ça c'est sûr. Et je suis en train d'essayer de... Moi, ma question, c'est, ces livres sont très beaux, mais en même temps, la théorie, elle est trop intégriste, quoi. Ça me révolte un peu que l'on me dise... il faut rester ce que l'on est, il faut être écrivain, à la limite écrivain du dimanche, hein, rester et puis continuer à être ajusteur, paysan, employé, etc. Garder son métier, je ne suis pas d'accord avec ça. Je crois pas. Je crois que l'écrivain de métier, bon, c'est quelque chose qui est apparu. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que l'écrivain de métier soit plus honnête que ce qui est. Hein, parce que c'est vrai que actuellement, les gens qui s'échangent des places dans les jurys, qui ont des préfaces payées grassement, des avaloirs, c'est un peu agaçant, mais c'est un peu pénible. Mais moi, je ne sais pas, si vous voulez, un grand romancier est quelqu'un qui a peut-être été excessif avec certains de ses amis, qui s'est brouillé souvent, qui a renié souvent les gens sous prétexte qu'il ne suivait pas cette ligne. L'époque était excessive. L'époque était excessive, oui, ça je vous le dis. Les idéologies de l'époque étaient très excessives, oui, et sans parler de l'idéologie communiste qui est une idéologie carcérale, dans l'idéologie libertaire anarchiste. plus sécanisme, mais dans l'épilogie de l'artère, il avait... Je ne sais pas si c'était le fait que, bon, que les bolcheviks avaient gagné en Russie ou quoi, mais bon, il y a eu quand même un dogme qui est monté et qui reste. Et qui reste dans les programmes actuels libertaires, il y a des dogmes qui restent et tout. Donc, c'est de resituer, moi je pense que c'est de resituer tout ça, puis de resituer le contexte aussi international. Quand vous citez Céline, c'est vraiment... Moi, quand j'ai lu Céline, bon, jeune, j'étais anti-militariste et tout, j'ai lu Au voyage de la nuit, j'ai trouvé ça fabuleux. Après, quand j'ai su ce qu'avait écrit Céline derrière, comme vous dites, j'étais très gêné tout à l'heure quand la dame qui était à côté de vous est partie. Je me suis dit, peut-être qu'elle s'en va parce qu'elle ne veut pas entendre parler de Céline. Oui, je pense. Encore que dans Voyage au bout de la nuit, à deux ou trois reprises, Céline enfin, se dit, lui, par la vue, anarchiste. Oui, il veut l'anarchiser. Deux fois ou trois fois, une fois anarchiste et une fois libertaire. Oui, là, tu vas... Non, mais je veux dire, bon... Mais c'est vrai qu'il a plus, on a plus tendance à le voir, Bardamus, comme un libertaire, voilà, plutôt que comme un facho qui va... Bon. Mais c'est vrai que l'anarchisme... Même dans, je suis tout à fait ce que vous dites, quand vous dites que les dossiers étaient très tranchés, que les gens étaient très durs. Mais il y a quand même, il y a aussi des retournements assez spectaculaires et quelquefois enthousiasmants. Bon, moi j'ai fait ma thèse sur Bernanos. A priori, quelqu'un, quand on parle à des libertaires, qui doit être très sympathique. Moi, j'ai vu Bernanos, je trouve qu'il a des côtés de description de l'Espagne et tout. En tout cas, il écrit bien. Et il essaye, dans son écriture, justement, bon, on sait d'où il vient, mais bon, il essaye de poser les choses le plus à plat, je dirais, le plus à plat possible. Et alors, ben justement, c'est de l'Espagne que je voulais parler. Ce type arrive en Espagne en 35. Et il arrive en Espagne pour une raison très simple, il dit dans sa correspondance, parce que le poisson n'est pas cher. Parce qu'il a six gosses, parce qu'il vend ses pages à l'avance, à plomb. Il écrit à plomb, il dit, bon, écoutez, là, j'ai plus de quoi payer les médicaments, j'ai trois gosses malades, je vous envoie 30 pages de mon roman à venir. Il mégote avec plomb. Bon, il n'y arrive plus. Il s'en va au Baléares. Il va s'installer, c'est pas du tout pour faire de la bronzette, c'est parce que c'est l'endroit d'Europe qui lui paraît le moins cher. Il s'installe, il s'est toujours installé de toutes les broques, il s'est fait vendre les meubles trois fois, je crois bien. Bon. Il s'installe à Palma. Il est, à ce moment-là, il faut le dire, il a été éduqué par son père, qui était un lecteur de Drummond, abonné à la Libre Parole, donc antisémite, en plein pot les manettes. Il a adhéré au Camelot du Roi tout jeune, il a épousé une arrière-petite nièce de Jeanne d'Arc, puisque sa femme était une descendante d'un frère de Jeanne d'Arc. Non, tu as une petite fille, c'est pas possible. Arrière. Et donc, c'est vraiment... Et alors, il c'est vrai que quand il arrive en Espagne, il est fâché avec Mouras. Ils se sont engueulés pour, je ne sais pas, plus sympathique que ça, pour une histoire d'élection législative partielle dans le 16e arrondissement, où l'un soutient un candidat et, avec l'Action française, Mouras, et l'autre avec le Figaro de Coty, qui est quand même pas le droit de gauche, soutient un autre candidat. C'est dite contre de Quirini. Il s'est fâché pour ça. Bon, et effectivement, il n'a pas l'esprit de. Il n'a pas complètement l'esprit de l'Action française. Lui, ça serait plutôt une espèce de royaliste affolé, ahuri volatile, comme dirait Malraux, et qui a même essayé de faire un coup d'État au Portugal dans sa jeunesse. Donc voilà le bonhomme, qui est quand même. Il est né en 88, donc en 35, il a 47 ans, c'est pas un temps long. Il arrive là, la guerre éclate, la guerre civile. On lui crie de France en disant reviens, c'est pas prudent. Alors il répond deux choses, une qui est très sympathique à mon sens, et l'autre qui est quand même pas sympathique du tout. Il dit, premièrement, les gens au milieu de qui je suis m'ont accueilli quand je suis arrivé, et c'était difficile. Ils m'ont accueilli, ils ont été sympas, je ne les lâcherai pas au moment de l'épreuve. Ça c'est bien. Et il ajoute, pour une fois que je vois des militaires assez culottés pour faire une révolution, il l'écrit en espagnol, je reste à Rio Espagne. On ne peut pas être plus clair, hein, il est pro-fasciste complètement. À ce moment-là, son fils aîné s'engage dans la phalange. Il a 17 ans, il s'engage dans la phalange, il colle le machin au football, le pétard, le gros pétard, et puis voilà, il patrouille dans l'île pour faire exploser les têtes malpensantes, hein, c'est ça. Et un soir, ce gamin rentre à la maison et dit à son père, ce que je viens de voir est horrible. Il parle de la répression. Les balis du pseudo-général Comte Rossi ont débarqué dans l'île, à Palma, les franquistes ont repris le contrôle de l'île, et là, c'est une répression terrifiante. Hein. Et Yves Bernanos dit, je veux pas, comme un gosse qui dit, je ne veux pas aller à l'école demain. Son père dit, mais tu n'y retourneras pas. Et à ce moment-là, bon, il va s'engager une épreuve de force extrêmement dure, parce qu'il est engagé dans la phalange. Et on fera évacuer Yves Bernanos, plus ou moins clandestinement, il repartira en France. Et là, le père, l'écrivain, va voir lui-même ce qui se passe un peu sur le terrain. Je rappelle qu'il était invalide depuis un accident de moto, qu'il avait bousillé comme une jambe, il marchait qu'avec des cannes, Bernanos. Et sur sa moto, tant bien que mal, il va voir une horreur de la poste, et il va commencer la série d'articles donnés aux Dominicains, à la revue Dominicaine, au boulevard tout au bout, qui va devenir les grands cimetières sur l'île. Et ce type dit, ce qu'on est en train de voir là, instable, arrêté, c'est la préface de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le terrain d'entraînement des fascistes italiens, et ça va être, il le dit avant Guernica, ça va être le terrain d'entraînement des nazis. Hein? Et ça, ce retournement, il est spectaculaire. Il y a d'autres retournements qui sont moins sympathiques. Brieux-la-Rochelle a été un copain d'Aragon. Hein. C'est pour ça que c'est une époque à la fois où les positions sont extrêmement tranchées et d'une confusion totale. Une confusion totale. Ça sent fortement, Clemenceau, Péguy. Péguy, j'ai vu des trucs, est-ce qu'il paraît, il est terminé avec les libertaires. Oui, Péguy. Ah oui, oui. Donc, un gars là, comme on reparle, le chansonnier, la Berruée, parce que qui écrivait de. On a parlé dans la feuille récemment, là, Jean Berruée, qui était libertaire, et de ce coup, c'était le château de nationalisme en 1914. Bon. C'est vrai que c'était des. Ah oui, c'est très. C'est très bizarre, oui. Je trouve que c'est des époques très, très délicates, ouais. pour relater, et qu'il faut vraiment les étayer pour. Il faut vraiment que ça soit beaucoup étayé pour qu'on puisse arriver à comprendre et qu'on ne tombe pas dans la schématisation. Moi, je voudrais reprendre un peu le débat sur un autre point qui paraît intéressant, c'est est-ce qu'un écrivain peut écrire tranquillement la liberté quand il est écrivain, quand c'est son métier. Ah oui, parce qu'au fond, c'est quand même... ça peut se dire dans les termes d'authenticité, de garder le contact avec le milieu dont on est issu et dont on parle, et qu'on peut connaître aux autres, mais ça peut être aussi sur un plan plus général. Qu'est-ce qui se passe quand on est justement dans le monde d'une autre, tributaire de l'éditeur? Ça me paraît fondamental. Ça. Alors, qu'il s'agisse d'ailleurs d'un écrivain, d'un compositeur, d'un peintre ou de n'importe quelle création artistique ou littéraire, par l'écriture, est-ce qu'on peut continuer à être soi? Ouais. Ça se pose aussi quand on est marié, hein, mais c'est une question qui me paraît intéressante. Tributaire de l'éditeur et tributaire d'un public. Parce qu'en même temps, si ça devient le gagne-pain, effectivement, la liberté d'écrire. C'est vrai. À la limite, ce que tu dis, ça va bien au niveau de l'édition dans notre lieu. C'est-à-dire que les gens qu'on connaît, qui sont des petits éditeurs, Libertaire, Anard, etc. Ils gagnent pas franchement leur vie, c'est des petits d'argent. Ils ont juste à peine de quoi. Je pense à tous ceux qu'on a fait venir à la ferme, par exemple, dans l'eau, il y en a pas beaucoup, ils sont pas arrivés en BM, les mecs. Non, mais plein de chambres, par exemple. Les livres aussi, pareil. Si tu arrives à avoir l'équivalent d'un SMIC, c'est déjà. Ils sont contents, parce qu'il y a du militantisme derrière tout ça. Donc, donc derrière les écrivains, derrière les éditeurs, derrière les libraires. Ils se sont prolétarisés. Comment ? Ils se sont prolétarisés. Pas si se sont prolétarisés, mais en tout cas. Moi je trouvais, oui, par rapport à la liberté de l'écrivain, je me réciter au XVIIIe siècle le cas de Rousseau par rapport à, aux philosophes, par exemple Diderot, Voltaire, qui sont allés voir soit Catherine II, soit Frédéric Prusse, que Rousseau était copieur de musique. C'est un moyen d'assurer son indépendance, c'est-à-dire de ne pas vivre des subventions de l'extérieur. Ça peut permettre peut-être de réfléchir, d'autant plus que les philosophes après l'ont chargé en disant qu'en fait...